And when she passed, I smiled, but she's on scene. She just doesn't see. She just doesn't see. C'est quoi ça? Monsieur Penji, s'il vous plaît. Demandez à l'entrée. Nous étions en train de jouer un truc samba. Et enlève tes majuscules. T'es pas obligé de crier. Thank you. Thank you. Welcome back, Marco. Thank you. Thank you. Cette chanson, enfin même je sais plus ce que c'est. Enfin ça ressemble à quelque chose que je connais. Tu joues tout ça, toi?